Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter. La célébration de Noël fait partie de la ressemblance au mécréant. Un cours donné par le frère Abdul Hamid Al-Jazairi Hafidhullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Al-Salafiyyah Bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Traduction approchée, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui n'assistent pas à ce qui est faux et qui lorsqu'ils passent prennent une frivolité s'en écartent noblement. Mujahid et Rabi'a ibn Anas et d'autres, rahimahumullah, ont dit, en explication de ce verset, cela est la fête des associateurs. Qala al-Qadi Abu Ya'la, rahimahullah ta'ala, al-Qadi Abu Ya'la dit, cela concerne l'interdiction d'assister aux fêtes des associateurs. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit, en interprétant le verset suivant, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ Traduction approchée. Et ceux qui n'assistent pas à ce qui est faux. Ibn Kathir, rahimullah, a dit, cela fait partie des caractéristiques des serviteurs d'Allah. Et nous trouvons dans certaines traductions du Coran, concernant le verset وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ et qui ne donnent pas de faux témoignages. Même si certains savants ont dit que cela est le faux témoignage, c'est une erreur. Car il y a une différence entre la yashhadun az-zura et la yashhadun biz-zuri. Wa fi as-sahihayn min hadith Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ Dans les deux recueils de hadith authentiques, يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم, d'après un hadith d'Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe des plus grands péchés? Nous avons répondu, yani les compagnons, certes, ya Rasulallah. Il dit: l'association, la désobéissance aux parents. Et il était allongé, puis il s'est assis. Et il a dit: et le faux témoignage, et assister à tout ce qui est faux. Il ne cessa de le répéter au point que nous avons dit, nous aurions préféré qu'il se taise. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a différencié entre le faux témoignage et assister à tout ce qui est faux. Et cela rejoint la parole des salafs qui ont dit que cela représente la fête des associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple sera reçu de cesser avec lui. Tout ça, ça montre de manière claire la gravité de ressembler au kuffar. Et tous, comme vous le savez, d'ici quelques jours, il y aura la fête de Noël. Et avant de rentrer dans le sujet, il faut savoir d'où vient Noël. Il y a plusieurs hypothèses concernant le mot de Noël, et en voici deux. La première, il vient du mot dies natalis, qui veut dire le jour de naissance. C'est le jour où les chrétiens fêtent la naissance de Isa alayhi salam. Et au cours du temps, Al-Natalis a évolué et est devenu Nawal. Et ce mot a continué à évoluer jusqu'en 1175, où ils ont retrouvé pour la première fois écrit dans leur manuscrit ou dans leur livre le mot Nawal. Ça, c'est la première hypothèse d'où vient le mot Nawal. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il viendrait de deux mots différents. Le premier, qui est Noyo en breton, et elle, qui est aussi un mot en breton. Et ils ont assemblé les deux, ça fait Noël. Et tout ça, c'est pareil, c'est pour désigner la renaissance du soleil en hiver, ce qu'ils appellent le solstice d'hiver. Et il faut savoir qu'avant, dans la religion chrétienne, Noël, ça n'existait pas. C'est à partir du XIe siècle que leur Église, elle a cherché une date précise concernant Isa alayhi salam. Mais comme ils n'avaient aucun dalil, aucune preuve, au début, ils l'avaient fixé le 6 janvier. Et ensuite, pour contrer une fête païenne qui était faite le 25 décembre, ils ont décalé cette date au 25 décembre. Et pour eux, c'est ce qui représente la naissance de Isa alayhi salam. Alors, comme on l'a dit, qu'ils n'avaient aucun dalil. Ils ont tout simplement voulu contrer une fête païenne qui était à la naissance d'une divinité qui s'appelait Mitra, qui signifie le soleil invaincu. Et à cette période-là, et le 25 décembre, les païens, ils faisaient quoi? Ils sacrifiaient un taureau en honneur à cette divinité. Et les chrétiens, pour s'opposer à cette fête, ils ont mis la naissance de Isa à cette fête pour que les gens, yani, ils en irbellent concernant la naissance de Isa et ils délaissent l'autre fête païenne. Et les chrétiens, ils font Noël pour soi-disant honorer la naissance de Isa. Mais même dans leur Bible, qui a subi je ne sais pas combien de changements, il y a un rad à leurs paroles. Même leur religion, qu'ils ont falsifiée, ils ne la respectent même pas. Yani, leur livre, qu'ils ont falsifié, qu'ils ont changé, qu'ils ont altéré, malgré ça, ils ne le respectent même pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve qu'il dit Oulaikahum sharrun bariyya. C'est la pire des créations. Ils font des choses qu'eux-mêmes ne respectent même pas. Ils ont innové, même l'innovation qu'ils ont faite, ils ne la respectent pas. La preuve, c'est le passage suivant dans leur Bible qui dit, en citant la parole de Isa alayhi salam, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et dans un autre passage, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Attention, je peux préciser qu'il ne faut pas lire dans leur livre, qu'il ne faut pas lire dans la Bible comme l'a fait Ahmed Didat, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est une erreur. Moi, j'ai mis cette citation car j'ai dû savoir d'où vient le mot Noël pour faire un rad. Et cette citation, elle m'est tombée entre les mains sans que je lise dans leur Bible. A'oudou billah. Et j'ai pris ce passage pour montrer qu'ils ne suivent pas leur religion, qu'ils ont eux-mêmes falsifié, mais qu'ils suivent quoi? Leur passion. Donc nous, c'est pas demain, on lit dans la Bible pour chercher à leur faire un rad. Nous, il y a ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, ça nous suffit largement. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dès qu'il a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lire dans la Torah, il s'est passé quoi? Il s'est énervé. Il s'est énervé. Il a interdit à Omar radiyallahu anhu de lire dans la Torah. Et le livre qu'on a, nous, il nous suffit. On n'a pas besoin d'aller lire dans leurs livres qu'ils ont changé, qu'ils sont faltégés, et que tu ne sais même pas ce qui est juste ou ce qui est faux. Tellement ils ont ramené des choses étranges et qu'ils ont falsifié ce livre. Et tout ce que j'ai cité sur Noël, je l'ai fait pour montrer que même les chrétiens, ont divergé sur Noël, que c'est une innovation même dans leur religion, et que cela tient sur du mensonge, et que le but n'est pas de m'étaler sur Noël. Et à tout ce que je viens de citer là avant, c'est pourquoi ? C'est pour montrer que les kofars, les chrétiens, ils tiennent sur rien. Que même leurs livres, ils l'ont pas respecté, et qu'ils ont une diversion, et qu'ils sont en divergence sur Noël. Et que tout Noël, ça tient sur du mensonge. Payeb. Ceci dit, je ne sais pas si les musulmans ont bien pris conscience et se rendent bien compte de la gravité de cette fête et de ce que représente Noël. Noël, c'est quoi? C'est une innovation faite par les chrétiens pour célébrer la naissance de Isa alayhi salam. Et comme on l'a vu et comme on va le redire, sur ça, ils n'ont aucune preuve. Et vous savez tous que les chrétiens sont des kofars, des mouchriquins. Ils disent sur Isa alayhi salam qu'il est le fils d'Allah. D'autres d'entre eux disent que c'est lui Allah. Et d'autres encore, ils disent que c'est le troisième des trois. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, traduction approchée, certes, ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Maryam. Alors que le Messie a dit, Ya Bani Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe Allah une autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois, alors qu'il n'y a qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent pas leurs paroles, certes un châtiment douloureux les touchera. Certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car certes Allah est pardonneur et très miséricordieux. Le Messie, Al-Masih, fils de Maryam, n'était qu'un messager, et des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture, voient comment nous leur expliquons les versets, et voient comment ils s'en détournent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit encore, « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ » Traduction approchée de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens du livre, n'exagérez pas votre religion, s'opposant à la vérité, ne suivez pas vos passions et la passion des gens qui ont exagéré avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés de la voie droite. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les paroles qu'il profère à son encontre, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accepter de le repentir s'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala et s'il rentre dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, il est prêt à l'effacer s'il revient à Allah et s'il cesse de proférer de telles paroles et qu'il rentre dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, traduction approchée, ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et regardez An-Najashi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, quand il a vu que la vérité lui était venue, quand il a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il était venu avec l'islam, qui était la religion qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Il a délaissé la religion sur laquelle il était. Il a délaissé la religion sur laquelle il était pour rentrer dans l'islam, et ça, alhamdulillah, ça lui a valu le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prêt à accepter le repentir des mouchriquins. S'ils meurent, s'ils font tawbah, et ils rentrent dans l'islam, et qu'ils meurent, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne leur shirk. Inna Allah ghafur rahim. Wa qala Allah ta'ala, inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Qalaqahu min turab, thumma qala kun fayakun. thumma qala lahu kun fayakun, fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour Allah, l'exemple de Isa est comme celui de Adam, qu'il a créé de terre, puis il a dit, soit, et il fut. Et dans le hadith, عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله النار الجنة على ما كان عليه وعلى ما كان من العمل. D'après un hadith de Ubadat ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: celui qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager et qu'il est la parole d'Allah envoyée à Maryam et que c'est une âme venant d'Allah, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Tout ça, toutes ces ayats, ça montre que Isa alayhi salam, c'est un prophète, un rasoul, et qu'il faisait partie des 5 meilleurs prophètes. Car imaginez-vous sur le nombre de prophètes qui sont passés, il fait partie des 5 meilleurs. Entre, bien qu'il y ait un khilaf, est-ce que c'est lui le meilleur ou Nuh? Et dans l'ordre, le meilleur des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il y a Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Après lui, il y a Moussa alayhi salatu wa sallam. Et là, il y a divergence. Est-ce que Isa alayhi salam est meilleur que Nuh ou pas? À la kulli hal, on sait que Isa, il fait partie des 5 meilleurs prophètes, et c'est un haut rang au niveau de la prophétie. Imaginez-vous sur le nombre de personnes qui sont passées sur terre et qui vont continuer à défiler, combien il y a eu de personnes, et Isa alayhi salam, il fait partie des 5 meilleurs. Isa alayhi salam, on lui donne son grade, on lui donne son droit, on l'aime comme étant un prophète. On lui donne son droit et on le respecte. Sans faire de rouleau comme les chrétiens ont fait avec lui. On n'exagère pas au niveau d'Isa. On dit que c'est le prophète, c'est un prophète. Et que c'est un prophète qui est en même temps qui est un serviteur d'Allah. On n'exagère pas au niveau des prophètes. On leur donne le niveau que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donné. Et nous, par rapport à Noël, nous ne disons pas comme Hassan al-Kusan a dit. C'est pas grave, c'est une virgule. On a vu que Noël, c'est pour soi-disant célébrer la naissance de Isa alayhi salam. Qui disent, c'est le fils d'Allah, Azza wa Jal. A'udhu billah min hadha al-kalam. Et avec cela, et avec tout ce que Noël comporte comme shirk, comme bid'a, comme égarement, قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. Traduction rapprochée. Et ils ont dit, Ar-Rahman s'attribue un enfant. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux et la terre ne s'en trouvent à ces mots. Que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au Rahman. Alors qu'il ne convient pas au Rahman d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Rahman en serviteur. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour des comptes, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. Traduction approchée. Que de générations avant nous avons fait périr. En retrouves-tu un seul individu? Ou entends-tu le moindre murmure? cette ayah elle montre clairement la gravité de leurs paroles. Comment Hassan et Quissan peut comparer le shirk à une simple virgule? C'est agib ces personnes qui comparent le shirk à une simple virgule alors qu'au minimum c'est une ressemblance au kofar et ça c'est grave. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشابه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple sera ressuscité avec eux. والله إنه أجهل من حمار قومه. Il est plus ignorant que l'homme de son visage, de son village. Ya meskin, sache que les fatwas que tu donnes, tu seras interrogé dessus. Et le jour où tu seras interrogé, tu ne seras pas interrogé par n'importe qui, tu seras interrogé par Allah Azzawajal. Et tes excuses, elles seront inutiles. Vois combien de personnes tu es en train d'égarer. Dis-toi bien que pour chaque personne que tu es en train d'égarer, tu as la responsabilité de son égarement et tu vas porter le péché de son égarement dans ta balance. Il y en a comment? Comment tu peux autoriser ton fils à faire du shirk pendant un mois? Alors que Luqman, alayhi salam, il a dit: Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirk la dhulmun azim. Luqman alayhi salam a dit, traduction approchée, ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car c'est une énorme injustice. Et toi, qui t'a permis d'autoriser ton fils à faire du shirk? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyyatih. Vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et aujourd'hui, on trouve des musulmans qui achètent des sapins, qui font des décorations de Noël, qui font des repas spécialement au réveillon, qui achètent des jouets pour leurs enfants, etc. Pourquoi? Pour Noël. Alors que c'est du shirk, Allahu musta'an. C'est du shirk. Ya ikhwa, c'est grave, c'est de fêter Noël. Faut pas négliger ça. Et à l'école, on apprend quoi à ton fils? On lui apprend la chanson du Père Noël. Est-ce qu'on a déjà médité sur les attributs du Père Noël? Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui a médité sur les attributs qu'il donne au Père Noël? Ils disent à ton fils, à l'école, attention, si t'es méchant, le Père Noël te voit. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Si t'es méchant, t'auras pas de cadeau. Si t'es gentil, t'auras des cadeaux. Ils disent avec le Père Noël, il y a des lutins qui l'aident. Le Père Noël, il descend du ciel. Ils lui font écrire une lettre pour demander des cadeaux. Et tout ça, ça pousse l'enfant à quoi? Ça pousse l'enfant à accrocher son cœur au Père Noël. L'enfant, il va grandir, il va dire, ouais, si je suis gentil, le Père Noël va me donner des cadeaux. Le Père Noël, il va faire ça. Je vais attendre Noël pour que le Père Noël, il m'amène mon cadeau. Et si on te décrit, ses attributs, sans te dire que c'est le Père Noël, à qui cela va te faire penser? Ça va te faire penser à Allah, Azzawajal. C'est Allah qui voit tout. C'est Allah qui sait tout. C'est Allah qui voit tout. C'est Allah qui punit pour les ma'asi. C'est Allah qui récompense pour les ta'at. C'est Allah qui donne les hasanat. Les cadeaux, ça représente quoi? Les cadeaux, c'est les hasanat. Les lutins qui aident les malaïk, qui aident Allah, subhanahu wa ta'ala. Les lutins, c'est quoi? C'est les malaïka. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'aide. C'est qui descend du ciel? Yani, au dernier tiers de la nuit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la lettre pour demander, c'est quoi? C'est les du'as. Arrivé à 8 ans, après qu'ils ont bien changé la fitra de ton fils, après qu'ils ont bien abîmé sa fitra, ils lui disent quoi? Lui avoir appris qu'il faut insister pour demander au Père Noël, ils lui disent quoi? Ils lui font tout ça, là, tout ce qu'on t'a appris avant. Ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire croire au Père Noël. Mais le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël, c'est des récits, ça n'existe pas, c'est des légendes. Faut pas que tu y crois. Ils ont détruit sa fitra. Ça y est, t'en parles plus, sa fitra. Après, toi, tu viens et tu dis quoi à ton fils? tu décris ton fils, tu décris Allah subhanahu wa ta'ala avec les mêmes sifats qu'ils ont donné au Père Noël. Tu décris à ton fils Allah subhanahu wa ta'ala avec les mêmes attributs qu'ils ont donné au Père Noël. Tu lui dis à Bounaya, oh mon fils, faut que tu adores Allah. Si tu adores Allah, t'es gentil, il va te faire entrer au paradis. Si t'es méchant, il va te faire entrer en enfer. Allah, tu sais, il sait tout. Allah, il voit tout. Allah, il entend tout. Et toutes ces caractéristiques, ils ont déjà donné au Père Noël. Et ça, une fois qu'ils ont bien donné ces caractéristiques, et que toi, tu vas revenir avec une même caractéristique pour Allah, Azza wa Jal, ton fils, ça va être quoi sa réaction? Il va te dire, on m'a déjà dit la même chose pour le Père Noël. J'y ai cru, j'ai cru qu'on m'a dit, c'est pas vrai. Toi, tu reviens, tu me dis la même chose, mais sauf que c'est pour Allah. Il est où la différence? Et comme ça, ils ont cassé sa fitra. Il ne faut pas croire que les kofars, ils font quelque chose, il n'y a rien derrière. Les kofars, ils voient loin. Les kofars, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils voient loin. Et tout ce qu'ils veulent, c'est casser la fitra de ton fils. Il ne faut pas se dire, non, c'est pas grave, c'est laisse l'enfant croire pendant un moment. Non, là, c'est khatir, ça. Ils sont en train de casser sa fitra. Toi, il faut que tu mettes une barrière directement avant qu'il lui casse sa fitra. Il faut que tu apprennes à ton fils que tout ce qui est par rapport à Noël, c'est du mensonge. Et que la réalité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. C'est lui qui punit. C'est lui qui fait entrer au paradis. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui voit tout. Toi, avant qu'il détruise la fitra de ton fils, il faut que tu apprennes à ton fils la aqida sahiha. Et ça, on ne peut pas dire c'est une virgule. Là, il y a juste, tu dis c'est une virgule. C'est pas grave, c'est un détail. Là, il y a juste, c'est grave. Les kofars, ils pensent moins. Ce qu'ils ont fait, c'est pour éclater la fitra de ton fils. Il ne faut pas que tu te fasses avoir. Il faut que tu te demandes dans ça. Et un autre point aussi, c'est quoi? C'est que la France, il dit, c'est un pays laïque. Mais c'est quoi réellement la laïcité? Nous, on n'a aucun doute que la laïcité, c'est du kofre. Mais c'est quoi exactement? Eux, ils définissent la laïcité comme étant le fait de séparer l'État de la religion. C'est pour ça qu'ils ont interdit le hijab à l'école. Et en réalité, c'est un grand bien. Parce que les sœurs, elles doivent choisir entre leur dîme et l'école. Et tout ce qu'il y a comme mal dans l'école, alhamdoulilah, du fait qu'elle a gardé son hijab et qu'elle ne peut pas aller étudier, Allah subhanahu wa ta'ala, par ça, il a fait en sorte qu'elle soit éloignée des shubuhat des kofars. Parce que les kofars, ils essayent dans l'école de faire un travail sur les musulmans. Ils essayent de leur changer leur aqidah. Ils essayent de leur faire changer leur habitude. Ils essayent de faire que les musulmans ressemblent aux kafirs. Je crois, alhamdulillah, dans le fait qu'ils interdisent le hijab, Wallah, il y a un grand khair, alhamdulillah. Mais en réalité, dès que tu regardes bien, ils n'ont pas séparé les religions de l'État. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement éloigné l'islam de l'État. Parce que Noël, Pâques, la Toussaint, samedi, dimanche, et les vacances scolaires, tout ça, c'est relié à quoi? À la religion. À Noël, ils font quoi dans les écoles? Est-ce qu'ils ne mettent pas des décorations? Est-ce qu'ils ne mettent pas le sapin de Noël? Est-ce qu'ils ne mettent pas l'étoile en haut de Noël, en haut du sapin? Et le samedi, c'est quoi? Samedi, c'est le jour des Juifs. Le samedi, les Juifs, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Et le dimanche, c'est le jour des chrétiens. Et là, tu vois qu'eux-mêmes, ils font quoi? Ils contredisent leurs principes de laïcité qu'ils ont eux-mêmes établis. Et toi, en réalité, tu devrais dire... Et toi, dès que le mois de décembre, il arrive, tu fais quoi? Tu dois retirer ton gamin de l'école. Ton fils, tu le retires de l'école. Si on dit pourquoi, tu fais... L'école, c'est un... L'école, c'est un organisme scolaire qui est sous l'État et on ne doit pas avoir de religion à l'État dans l'école. Et on voit que pendant Noël, vous faites des fêtes de Noël, vous faites Pâques, tout ça. Mon fils, pendant la fête de Noël, je le retire de l'école parce que je ne veux pas qu'il participe à cette fête parce que vous n'avez pas appliqué le principe de la laïcité que vous-même vous appelez à ça. Bien que nous, bien sûr, on continue à dire laïcité, c'est du kofre. Mais c'est pour montrer qu'eux-mêmes, ils contredisent leur propre loi. C'est tout. Autrement, nous, on sait que c'est du kofre. On n'a aucun doute dessus. Et ça, même ça, ils peuvent l'interdire. Et aussi, ce qui est agib, c'est que les chrétiens, ils ont divergé sur Noël. Et l'avis le plus juste, dans leur dîn, hein, c'est que c'est une bid'a, une innovation. Même dans leur dîn, qu'ils ont falsifié, qu'ils ont changé, ils ont dit non, Noël, c'est quoi? C'est une innovation. Avec ça, tu vois que certains musulmans, ils suivent aveuglément les chrétiens dans quoi? Dans une innovation. Ils veulent par ça faire plaisir à leurs enfants parce que son enfant, il va à l'école et il côtoie des enfants mécréants. Et l'enfant mécréant, il dit, ouais, moi pour Noël, je vais avoir ça, moi pour Noël, ça, moi pour Noël, je vais acheter un sapin. Et le gamin, il est sur la fitra. Et lui, il devient jaloux, il a des jouets. Et le gamin, il est attiré par tout ça. Et ça, c'est un char. C'est pour ça que je conseille aux parents d'apprendre à leur enfant la gravité de Noël le plus tôt possible. Et que l'islam, elle ne contient que deux fêtes. C'est pour ça que tu retrouves dans le hadith de Anas, radiallahu ta'anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, il a vu les gens jouer. Il leur a demandé, c'est quoi ce jour pour que les gens jouent? Il représente quoi exactement? Ils ont répondu, c'est un jour où, fil jahiliya, les gens ils avaient l'habitude de le prendre et de jouer pendant ces deux jours. Et ils ont continué. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, ouais, c'est bien continué. Non. Il leur a dit quoi, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Inna Allah qad abdalakum khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Traduction rapprochée, Allah Rasulallah, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a remplacé ces deux jours dans lesquels Al-Jahiliya, ils étaient en train de jouer, par deux autres jours qui sont l'Aïd al-Adha ou Yom al-Aïd ou Aïd al-Fitr. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Khaliful mushrikin, différenciez-vous des associateurs. Et du fait que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a remplacé les deux jours par deux autres jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a abandonné les deux jours et qu'il a délaissé les deux jours où la jahiliya jouait dedans. Il n'a pas continué, mais il a ramené deux autres jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit, qui sont Yom al-Adha wa Yom al-Fitr. Et ensuite, nous, il ne faut pas qu'on soit comme les kofars. Ce que je veux dire par là, bien sûr, il faut les khalaf dans tout ce qu'ils font, l'achèque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on achète des cadeaux que pour les fêtes à nos enfants. C'est pas tu lui offres un cadeau, tu lui dis, attends, Noël, ça va arriver, je vais t'offrir des cadeaux. Attention à ça. Toi, évite de lui offrir des cadeaux, à quel moment? Pour son anniversaire, parce qu'il n'y a pas d'anniversaire dans l'islam, et au moment de Noël. Ces deux moments, évite de lui offrir des cadeaux. Autrement, offre-lui des cadeaux n'importe quand. Surtout, si le fait de lui offrir un cadeau, ça peut le pousser à quoi? À mémoriser le Coran, ou à mémoriser des hadiths. Ça va l'encourager, offre-lui des cadeaux. Mais si c'est la période de Noël qui s'approche, évite de lui acheter des cadeaux. Parce que lui, il va croire que le cadeau que tu lui as acheté, c'est pourquoi? C'est pour Noël. Toi, la période de Noël à l'approche, tu coupes, tu n'achètes pas de cadeau. Et nous, on n'a pas cherché à imiter les kofars. Parce que tu veux les imiter pourquoi, les kofars? Les kofars, je veux les imiter pourquoi? Tout le shirk, il est en eux. Ils ont le shirk. Ils ont le kof. Ils ont l'ilhad, c'est-à-dire l'athéisme. C'est des alcooliques. C'est des drogués. C'est des homosexuels. Beaucoup d'entre eux sont des homosexuels. Et dis-moi seulement une chose qu'ils ont de bien. Moi, jusqu'à présent, je suis en train de chercher le khair qu'ils ont, j'arrive pas à le trouver. Toi, donne-moi seulement une chose qu'ils ont de bien. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. traduction approchée de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les infidèles, parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, les mécréants iront en enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Écoute bien cette parole. De toute la création, ce sont eux les pires. C'est-à-dire de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comme animaux, comme êtres humains, etc. De tout ça, c'est les kofars les pires. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La'natullahi ala al-Yahoud wa al-Nasara. Rasul sallam a dit, maudit soient les juifs et les chrétiens. Alhamdulillah, notre dîn, il est complet, comme la ayah le montre. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. On n'a pas besoin d'aller prendre des kofars. Yani, ce qu'ils ont bien. Ce qu'ils ont bien. Ils n'ont rien de bien, les kofars. On n'a pas à les copier sur eux. Ya'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ula'ika hum sharul bariya, et nous on va copier sur les kofars. Allah, il les a décrits comme la pire des créations. Nous, on va prendre exemple sur la pire des créations. Et pareil, t'as pas le droit d'aller vers un kafir et lui dire bonne fête de Noël ou joyeux Noël. Là, il y a juste ce kalam. Ce kalam, il y a juste, haram. Tu vas vers lui, tu dis joyeux Noël, je te souhaite de bonne fête de Noël. Est-ce que tu es conscient de cette parole? Est-ce qu'on est conscient de la parole, de la gravité de cette parole? Faut pas négliger les kalams. Non, c'est grave. Du fait que tu dis joyeux Noël ou bon Noël, c'est comme jamais, tu es en train de le féliciter. Pourquoi? Pour lui dire, Mashallah, je te félicite, tu tiens tête à Allah, tu désobéis à Allah, Mashallah, t'es courageux. Mashallah, je te félicite pour l'égarement dans lequel tu le trouves, dans lequel tu te trouves. Je te félicite pour les calames que tu prononces à l'égard d'Allah. Ça revient à ça. Le fait que tu lui dis bonne fête de Noël, joyeux Noël, ou quelque chose comme ça, ça revient à ça. Alors qu'ils font Noël, pourquoi? Parce qu'ils disent le fils d'Allah il est né. Ou ils disent Allah il est né. A'udhu billah. A'udhu billah. Et comme on l'a vu dans la ayah, peu s'en faut que les cieux et la terre ne s'en trouvent pour leurs paroles. Et que les montagnes soient réduites en poussière pour ce qu'ils disent. Et toi tu vas, tu le félicites. Là il ajoute, tu le félicites. Ces personnes, yani, elles sont maudites. قال الله تعالى في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Traduction rapprochée. Bani Israël ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam parce qu'ils obéissaient à Allah et à ses messagers et transgressaient. Leurs propres prophètes, ils les ont maudits. Leurs propres prophètes, ils les ont maudits. Toi, tu vas, tu le félicites. A'oudhou billah. Regardez bien, ils ont fait Noël, pourquoi? Pour la naissance de Isa. Alors que Isa, alayhi salam, il les a maudits. Vous croyez que parce qu'ils prétendent aimer Isa, ça va leur servir? Est-ce que vous croyez que Yom al-Qiyama, ils vont arriver, ils vont dire, Ya Allah, il y a une fois nous rentrons au paradis, on regarde, on aime Isa, on a fait une fête pour lui. Est-ce que Isa va venir dire, Ya Allah, est-ce que vous croyez que Isa va venir, il va les défendre? Abadan. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah, et Isa, il va se désavouer de Yom al-Qiyama. Il va se désavouer d'eux. Traduction rapprochée. Et quand Allah il dira à Isa, alayhi salam, Ô Isa, fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi, subhanak. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai pas le droit de dire. Isa, il ne va pas les défendre, il va désavouer d'eux. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a dit, comme dans Iqtida Sat al-Mustaqim, celui qui prépare un repas durant ces fêtes, durant tout ce qui est Noël ou autre, alors qu'habituellement il ne le fait pas, alors si la personne l'invite, il doit refuser l'invitation. Et si on lui offre un cadeau spécifiquement pendant ces fêtes, alors que d'habitude il lui offre pas de cadeau, il doit refuser ce cadeau. Surtout si ce cadeau a un rapport avec la fête qu'ils sont en train de préparer. Par exemple, Noël, ils viennent, ils t'offrent une bougie, t'as pas le droit de l'accepter. Là, il y a juste. Toi, c'est pareil. Ton fils, là, il y a juste, tu lui offres un cadeau parce que c'est Noël. Tu rentres dans ce hukm, dans le kalam de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et il a dit encore, rahimahullah ta'ala, le muslim ne doit pas vendre d'objets qui pourraient pousser d'autres muslims à pratiquer la fête des kofars, tels que des vêtements, de la nourriture et autres. Car il y a dans cela une entraide dans le blâmable. Tout ça, ça prouve qu'il est strictement interdit d'aider les kofars dans leur fête. Alors que dire de ceux qui font la fête des kofars? Toi, il n'y en a ni t'achètes pour Noël une dame, ni des vêtements, ni des jouets, ni de sapin de Noël, ni des guirlandes. Là, il y a juste. Et faut pas croire que Noël, yani, bien sûr, là, ils ont mis comme quoi c'est une fête yani, religieuse. Mais le plus grand but, c'est que c'est une fête, surtout, pourquoi? Pour commercial. C'est une fête commerciale. C'est pour qu'ils offrent des cadeaux entre les uns et les autres. Mais regardez tellement ils sont stupides, ces kofars. Parce que le asl, ils disent, c'est pour fêter la naissance de Isa, alayhi salam. Pourquoi ils savent des cadeaux entre eux? Pourquoi ils savent des cadeaux entre eux? Normalement, le cadeau qu'ils doivent offrir, c'est pour Issa. Toi, dès demain, nous, on va prendre l'exemple de l'anniversaire, parce que mais l'anniversaire, bien sûr, ça n'existe pas dans le din. L'anniversaire, ça n'existe pas dans le din. Toi, demain, c'est ton anniversaire. Tout le monde sait que dès que c'est ton anniversaire, on vient, on t'offre des cadeaux à toi, pour fêter le jour de ta naissance. C'est pas, les gens, ils savent des cadeaux entre eux, sans te les offrir à toi. C'est clair ce que je viens de dire? Donc, il y a le as, c'est qu'ils doivent offrir ces cadeaux à Issa. Pourquoi ils font des cadeaux entre eux? Ça va à l'encontre même de leur fête. La'natullah ala al-yahoud wa al-nasara. La'natullah ala al-yahoud wa al-nasara. La'natullah ala al-yahoud wa al-nasara. Est-ce que on a déjà vu un kafir faire l'Aïd? Est-ce que vous avez déjà vu un kafir, c'est après Ramadan ou c'est l'Aïd, il va, il achète pour son fils des habits pour l'Aïd, ou il fait chez lui, il se prépare pour, parce que c'est l'Aïd? Jamais on l'a vu ça. Jamais on l'a vu. Bien que l'Aïd, c'est une fête shar'i. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'Aïd. Les compagnons ont fait l'Aïd. L'Aïd, ça existe dans l'islam. Nous, subhanallah, on est sur le haq. On va suivre des égarés. Et eux, ils sont égarés et ils ne nous suivent pas alors qu'on est dans le haq. C'est plutôt eux qui devraient faire les fêtes qu'on fait, et pas nous qui devrons faire les fêtes qu'ils font. Ça, c'est une rafla, ça. Donc, nous, à la kulli hal, ni on fait Noël, ni on fait Pâques, ni on fait la fête des mères, ni on fait le jour de l'an. Là, il y a juste demain, c'est le jour de l'an, dans une grande ville, tu vois, je vais jouer avec eux parce que c'est le jour de l'an. Là, il y a juste, tu assistes avec eux. Reste chez toi. Le jour de l'an, c'est pas une fête, ça n'existe pas dans le vide. C'est bien parce qu'on est rentré dans la nouvelle année. Et alors? Combien de fois on est rentré dans la nouvelle année? Depuis des siècles, on rentre dans des nouvelles années. Chaque fois, on va faire une fête. Ça, c'est parce que les kofars, ils ont besoin de prendre de l'argent, ils ont besoin de faire de l'argent. Et ce moment-là, Noël et jour de l'an, c'est le moment où les kofars, ils se font plus d'argent. C'est le moment où les kofars, ils se font plus d'argent, ils se profitent de ces occasions. Autrement, la majorité d'entre eux, ils n'ont rien à voir avec leur dîne. Ils y croient même pas, c'est des athées. Mais ils font ça, yarni, pour se faire de l'argent. C'est un truc commercial. Et ils vont et ils jouent, ils chantent, ils dansent. Tout le façade, ils le font. Et on le voit. Lorsque c'est leur fête, on voit tout le façade qu'ils font. Les alcooliques, ils sortent. Les homosexuels, ils sortent. Les drogués, ils sortent. Tous les shiatins, ils sortent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Écoutez bien ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَذَرْهُمْ يَخُوذُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُونَ يَوْمَ الَّذِي فَذَرْهُمْ يَخُوذُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي يُعَدُونَ. Traduction approchée, c'est laisse les jouer et s'enfoncer dans leur égarement jusqu'à quand ils vont rencontrer le jour qu'il leur a promis. Ça, Allah, il les laisse jouer. Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse les kuffars jouer. Jouez aussi longtemps que vous voulez, mais dès qu'il va les attraper, dès qu'il va les prendre, il ne va plus les laisser. Et c'est pour ça que l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Il a dit, yani, par rapport à l'ayah, فَظَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَ الَّذِي يُعَدُونَ. فَظَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي يُعَدُونَ. L'imam Sa'di, il a dit, laisse-les s'enfoncer dans leurs fausses paroles, dans leurs fausses croyances. Laisse-les jouer avec leur religion, manger, boire, profiter de cette vie, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur a promis. Toi, tu ne dois pas participer avec eux à ces moments, car cette ayah, elle montre la gravité de leurs actes. Et elle montre qu'ils sont inattentifs. Ils sont inattentifs à ce qu'ils attendent. Ils sont inattentifs au Yom al-Qiyam qui approche. Il y en a, subhanallah, ijtahid dans les ibadas, ijtahid dans les ta'a, en espérant le paradis, et ijtahid fait le marsiya. Ils ont un ijtihad de malade dans les ma'asi. Toi, t'as pas à être avec eux dans ces moments-là. Ils sont en train, yani, Noël ou les autres trucs, ils sont en train de faire une fête en insultant Allah, en disant qu'Allah, il s'attribue à un enfant. Ils sont en train de faire du façade, et toi, t'es au milieu d'eux. Qui te dit que la uqba, elle va pas tomber sur eux alors que t'es au milieu d'eux? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah, Azza wa Jal? Je t'ai l'air pour m'amuser? فَضَرْهُمْ يَخُوذُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي يُعَدُونَ. وقال الله تعالى في كتابه الكريم اقْتَرَبَنِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. وقال الله تعالى وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا Inna kunna zalim, bal kunna zalimin. Un tabi, tu te trouves au milieu des kofars à ce moment-là. Un tabi, tu es dans une rafla. Ça, c'est une mise en garde qui est sévère. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a décrits, ces kofars. Comme quoi ils sont dans un égarement. Comme quoi ils sont dans une rafla. Il ne faut pas que tu leur ressembles. Un tabi, écarte-toi d'eux. Cherche pas à leur ressembler. Toi, je vais répéter, c'est pas une virgule tout ça. C'est une mise en garde qui est dangereuse, qui est grave. Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il les laisse jouer, il les laisse dans leur égarement. Mais dès qu'il va sévir sur eux, ils ne vont plus pouvoir s'échapper. Imagine-toi, yani, tu meurs alors qu'ils au milieu de leur fête. Yom al-Qiyam, tu seras ressuscité au milieu de leur fête. Dans l'état où tu es mort. Tu vas dire quoi, Allah Azza wa Jal? Nous, il ne faut pas qu'on soit négligent par rapport à leur fête. Il ne faut pas qu'on cherche à leur ressembler. Il faut qu'on s'éloigne au maximum de ces gens-là. Alhamdulillah, dans le dîn, il y a ce qui nous suffit. Nous, il y en a dans le garment, laisse-les dans le garment. Ils n'ont aucun argument devant Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses livres. Celui qui veut croire, il croit. Et celui qui ne veut pas, il y en a, c'est son problème. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك